Dossier 1. Leçon 2. Activité 10. Bonjour, Madame Blanchard. Bonjour, Monsieur Franck. Et dites-moi, qu'est-ce que c'est ce logo « Commerçant voisin » collé sur votre vitrine? Ah oui, c'est nouveau. Eh bien, c'est un moyen pour nous, les commerçants, d'informer nos clients qu'on leur offre plus que de la marchandise, qu'on fait attention à eux, qu'on est là pour les aider quand ils en ont besoin, vous voyez? Et vous faites ça très bien, Monsieur Franck. Merci. Vous savez, je ne suis pas le seul dans le quartier. On est au moins une dizaine à faire partie de l'Association des services et commerces de proximité. Finalement, c'est un peu le même esprit que la fête des voisins. C'est pour développer la convivialité et l'entraide dans le quartier, non? Oui, tout à fait. Mais contrairement à la fête des voisins, nous, on affiche notre logo tout le long de l'année. Bon, mais il y a du monde qui attend, je vois. Alors, qu'est-ce qu'il vous faudrait aujourd'hui, Madame Blanchard? Vous pouvez me préparer un gigot de 2 kilos environ, pour jeudi prochain? C'est noté. Ma femme pourra vous le livrer mercredi soir, si vous voulez. Comme ça, vous n'aurez pas à vous déranger. Ah, merci, oui. Ça m'arrange bien. Au revoir et bonne journée. Au revoir, Madame Blanchard. Et bonne journée à vous aussi.